The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Doctor. Le docteur. To feel. Ressentir. Pain. La douleur. Belly. Le ventre. Back. Le dos. Headache. Le mal de tête. Fever. La fièvre. Also. Également. Sweat. La sueur. Symptom. Le symptôme. Fatal. Mortel. Blood test. La prise de sang. To save a life. Sauver la vie. Ambulance. L'ambulance. Now, a bit faster. Fatal. Mortel. Fever. La fièvre. Blood test. La prise de sang. Belly. Le ventre. To feel. Ressentir. Doctor. Le docteur. To save a life. Sauver la vie. Belly. Le ventre. Blood test. La prise de sang. To feel. Ressentir. Sweat. La sueur. Headache. Le mal de tête. Fatal. Mortel. Headache. Le mal de tête. Ambulance. L'ambulance. Back. Le dos. To feel. Ressentir. To save a life. Sauver la vie. Fatal. Mortel. Belly. Le ventre. Headache. Le mal de tête. Sweat. La sueur. Back. Le dos. To save a life. Sauver la vie. To feel. Ressentir. Doctor. Le docteur. Headache. Le mal de tête. Now, use the words in context. Ressentir. She had a stomach pain when they brought her to the hospital. Elle ressentait une douleur dans le ventre, alors ils l'ont amenée à l'hôpital. Également. I also have a headache. J'ai également mal à la tête. La prise de sang. I have to get a blood test. Je dois faire une prise de sang. Sauver la vie. That man saved my life. Cet homme m'a sauvé la vie. Ressentir. She had a stomach pain when they brought her to the hospital. Elle ressentait une douleur dans le ventre, alors ils l'ont amenée à l'hôpital. La prise de sang. I have to get a blood test. Je dois faire une prise de sang.